Vous qui partez bientôt en voyage depuis les gares ou aéroports de Lyon, imaginez seulement arriver au dépose minute avec votre voiture et la récupérer au même emplacement dès votre retour. Hector vous propose un service de voiturier avec parking qui récupère et stationne votre véhicule pendant votre séjour. À votre retour, le voiturier vous rapporte votre véhicule et s'adapte en cas de retard. Rendez-vous sur hectorparking.com ou sur l'application mobile pour réserver en quelques clics votre voiturier. Il y a de fortes chances que vous-même, votre collègue assis en face, votre conjoint, votre voisine de bus, toutes et tous soient infectés par un herpès virus, le virus d'Epstein-Barr. Jusqu'à 95% de la population mondiale est infectée par ce virus que l'on contracte la plupart du temps pendant la petite enfance de façon quasi asymptomatique. Si on l'attrape plus vieux, cela peut donner à l'adolescence la maladie du baiser, la mononucléose, et selon une récente étude publiée dans Science mi-janvier, il est probable que ce virus soit lié au développement de la sclérose en plaques dans un tout petit nombre de cas, voire qu'il soit également lié d'une façon ou d'une autre aux formes de Covid long. Virus d'Epstein-Barr, attrapons-le tous, c'est le programme infectieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ce virus, comment il nous infecte et pourquoi dans certains cas il pourrait donner lieu à de graves complications, qu'il s'agisse de cancer ou de maladies auto-immunes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Chêne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de recherche INSERM dans l'unité de biologie intégrée du globule rouge à l'Université de Paris. Et Patrice Morand, bonjour. Bonjour. Merci à vous également d'être avec nous. Vous êtes médecin, virologue, professeur de la faculté de médecine Grenoble-Alpes. Mais on commence, eh bien, par le tour de l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, la levée des restrictions sanitaires contre le Covid-19 de la plupart d'entre elles, pas de toutes encore. Néanmoins, nous revenons aujourd'hui sur une étude parue dans la revue The Lancet. Nous avons, ou nous aurions en tout cas sous-estimé, le nombre de morts dues à la pandémie. Oui, c'est à ce jour l'enquête la plus approfondie sur l'impact de la pandémie en termes de mortalité. Elle nous vient du Global Burden of Disease, un groupe qui a l'habitude de faire des estimations macro sur la charge des problèmes de santé dans le monde. Ici, ce que les chercheurs ont regardé, ce sont les données de mortalité dans 191 pays entre janvier 2020 et décembre 2021. Ils ont regardé quelle a été la mortalité liée au Covid-19 qui a été annoncée dans chacun des pays et ils ont ensuite calculé ce qu'on appelle l'excès de mortalité, c'est-à-dire ce qu'on aurait dû avoir comme mortalité compte tenu des années antérieures et ce qu'elle a été. En comparant et en faisant la différence, ils ont découvert que le bilan de la pandémie est beaucoup plus lourd qu'on ne le pensait. La crise sanitaire n'aurait pas causé 5,9 millions de morts, mais 18,2 millions de morts, c'est trois fois plus que le bilan officiel. Dominique Costagliola est épidémiologiste, directrice de recherche émérite à l'INSERM et membre de l'Académie des sciences. Donc c'est pas forcément des gens qui sont décédés de Covid, mais c'est l'excès de mortalité qui est lié à la pandémie d'une façon générale. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont mortes à cause du Covid directement, ils ne sont pas morts de Covid, mais ils sont morts, c'est lié à la pandémie, et ça peut être parce qu'ils n'ont pas eu accès à d'autres soins, parce qu'on a arrêté leur traitement alors que ces gens ne peuvent pas vivre sans traitement. Vous voyez, donc c'est l'impact de la pandémie, et ce n'est pas forcément un décès dû à la Covid, c'est les effets collatéraux. L'intérêt là, c'est au fond, toutes les données de tous les pays sont passées à la même moulinette et ils ont pris un certain nombre de précautions. Par exemple, on sait qu'au cours de cette période, il y a eu aussi des vagues de chaleur. Par exemple, en France, il y a eu une petite période, quelques semaines, avec des vagues de chaleur. Donc, vous voyez, il faut quand même bien ne pas prendre en compte ces données-là parce qu'on les attribuera à la Covid alors que c'est la vague de chaleur. Donc, un peu de nettoyage des données. Et puis, un modèle qui permet de à la fois d'utiliser le même modèle global quels que soient les pays, mais en prenant en compte des spécificités locales. Alors, on sait bien que on peut avoir un mauvais rapport de la mortalité Covid, ne serait-ce que dans un pays où on ne fait pas beaucoup de tests, ben, si quelqu'un décède, on ne va pas forcément l'attribuer à la Covid, mais alors qu'en fait, la personne était positive, mais qu'on n'avait juste pas les moyens de l'avoir repérée. C'est pas forcément exact dans les détails, mais ça donne quand même un impact. Ça permet aux gens de réaliser justement que, au-delà de ce qui a été déclaré dans un pays donné, il peut y avoir un impact bien plus important. Voilà, ça permet de réellement prendre du recul, et c'est à partir de ce type de données qu'on va pouvoir regarder au global, en prenant en compte l'ensemble des facteurs, qu'est-ce qu'on peut dire de la gestion dans tel ou tel pays. Voilà, si vous voulez retrouver cette étude en détail, nous l'avons publiée comme tous les jours sur notre fil Twitter, @lamethodefc. Et on passe au bref. Dimitri Rogozin, le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, a de nouveau menacé l'avenir de la station spatiale internationale. Oui, le patron de Roscosmos a demandé la levée des sanctions contre la Russie prises dans le cadre de la guerre en Ukraine, et il a de nouveau rappelé que la correction de l'orbite de la station spatiale internationale ne dépendait que de la Russie, et il menace de faire chuter l'ISS sur Terre. Dimitri Rogozin a publié une carte des endroits où l'ISS pourrait éventuellement tomber. Sur cette carte, on voit que la Russie est largement à l'abri. Par ailleurs, la Russie a déclaré qu'elle ne fournirait plus les moteurs des fusées américaines Atlas et Antares. Selon une étude parue dans la revue Science, les novae sont des accélérateurs de particules à des vitesses records. Une nova, c'est une explosion stellaire. RS Ophiuchi est bien connue des astronomes car il s'agit d'une nova récurrente. Tous les 15 à 20 ans, on voit à la surface de cette naine blanche des explosions régulières lorsqu'elle reçoit de la matière de son étoile binôme. Grâce au télescope HESS en Namibie, une équipe internationale, dont des chercheurs du CNRS et du CEA, a pu observer pour la première fois ce phénomène en temps réel, du début jusqu'à la fin. Dans le domaine des rayons gamma de très haute énergie, ils ont mesuré les accélérations de particules à des vitesses jamais observées et qui atteignent les vitesses maximales calculées dans les modèles théoriques. Selon les auteurs, étudier les novae nous permettrait de mieux comprendre l'origine encore mystérieuse des rayons cosmiques. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Heredity, nous venons de découvrir une nouvelle espèce de tortue géante. Et cette équipe internationale a fait des analyses ADN de 129 tortues géantes des Galapagos qui vivent en basse terre sur l'île de San Cristobal. Puis les chercheurs ont comparé ces tests avec les analyses génomiques de 5 échantillons de musées, des fossiles qui datent de 1906 et qui proviennent, eux, des hauts plateaux de l'île. Il se trouve qu'il s'agit en fait de deux lignées différentes. Les 8000 tortues des Galapagos, scientifiquement connues sous le nom de Chelonaoidis catamensis, correspondent génétiquement à une nouvelle lignée qui n'avait encore jamais été recensée. En revanche, Chelonaoidis catamensis, le clade des 5 fossiles conservés, est une espèce presque certainement éteinte. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Nous sommes toutes et tous porteurs du virus d'Epstein-Barr, quasiment. Ce virus de la famille des herpès virus, comme le virus qui provoque l'herpès bien sûr, mais aussi la varicelle ou le zona, eh bien, ce virus est globalement inoffensif. Tout juste provoque-t-il, quand on le contracte un peu tard à l'adolescence, la mononucléose, la maladie dite du baiser. Mais ce virus, comme les autres herpès virus, a une spécialité. Il a des réservoirs cellulaires et donc reste en dormance tout au long de la vie et peut être réactivée. Or, une récente étude publiée dans la revue Science établit un lien entre Epstein-Barr et la sclérose en plaques, une maladie neurodégénérative grave qui affecte environ 100 000 personnes en France. D'autres liens ont été établis avec certaines formes de cancer. Alors comment faire? Faut-il renforcer la lutte contre Epstein-Barr, notamment via un vaccin? C'est ce qu'a annoncé tout récemment la société Moderna via la technique de l'ARN messager développée pour les vaccin anti-Covid. Un vaccin contre l'herpès, c'est une vieille antienne, comme le prouve notre archive du jour. Nous sommes en 1966 dans Interactualité. Un vaccin contre l'herpès va être commercialisé. Le professeur Lépine de l'Institut Pasteur a donné à Germaine Bartoli quelques précisions sur cette maladie. L'herpès est une maladie qui est due à un virus de taille moyenne qui attaque l'homme et l'homme exclusivement, qui siège dans la peau et dont le caractère principal est d'être récurrent, c'est-à-dire de revenir souvent chez les sujets qui font des herpès à répétition, chez qui c'est une maladie très ennuyeuse. L'herpès est généralement une maladie bénigne, mais il y a des localisations qui sont ennuyeuses par leur siège, disgracieuses, qui peuvent être douloureuses lorsqu'elles atteignent les muqueuses, et qui peuvent même être dangereuses lorsqu'elles atteignent, par exemple, la cornée. Dans ce cas-là, il s'agit d'une maladie qui est grave. Alors, ce vaccin est-il préventif ou curatif ? Ce vaccin est un vaccin qui est essentiellement curatif, qui s'adresse donc directement à la cause et qui, administré suivant différentes techniques, arrive à supprimer la sensibilité et à transformer la vie de certains malades. Voilà, Pierre Lépine de l'Institut Pasteur en 1966 dans Interactualité. Alors là, on ne parle pas du virus d'Epstein-Barr, hein, bien du virus de l'herpès, le premier herpès, l'herpès cutané. Néanmoins, il y a l'espoir d'un virus contre les différents d'un vaccin contre les différents herpès virus a fait un peu long feu, Patrice Morand. Oui, actuellement sur les 8 herpès virus humains qu'on connaît, il y a un vaccin qui est commercialisé et qui marche, c'est le vaccin contre la varicelle et le zona. Mais ça fait effectivement depuis 40 ans qu'on cherche des vaccins efficaces contre l'herpès simplex dont on parlait dans cette archive, et depuis à peu près 30 ans contre le virus de l'Epstein-Barr, et on n'a toujours pas de vaccin commercialisé pour ces herpès virus. Comment est-ce qu'on explique que la recherche de vaccins soit dans une impasse pour ces différentes familles d'herpès virus, Arnaud Chêne ? Ouais, c'est une question difficile. Je pense que c'est aussi une question d'intérêt. C'est des virus qui sont généralement assez bénins. Et donc la recherche se pose plutôt sur des maladies qui sont beaucoup plus importante et sérieuse pour les humains. Mais là, ce papier dont on parlera sans doute dans l'heure qui vient rebat un petit peu les cartes, parce que là, on voit que développer un vaccin contre le virus d'Epstein-Barr pourrait avoir vraiment une application importante sur plusieurs maladies comme la sclérose en plaques, mais aussi sur certains cancers. Patrice Morand ? Oui. C'est en fait, on n'a pas comme d'habitude, on a des modèles animaux. Mais les modèles animaux sont jamais parfaits, et donc c'est un petit peu compliqué de travailler sur ces vaccins. Deuxièmement, ce sont notamment, on verra que l'Epstein-Barr virus est un virus qui est associé à des cancers. Et donc, il y a certains vaccins, type des vaccins atténués ou des vaccins vivants, qu'on ne peut pas appliquer à l'EBV, parce que là, il y a une histoire de sûreté qui peut être dangereuse. Et puis enfin, mais Arnaud le confirmera, c'est que on connaît pas vraiment encore complètement tous les mécanismes qui de l'immunité humaine anti-EBV. Mmh. Et c'est un peu comme pour les autres virus, le VIH ou d'autres virus, tant qu'on connaît pas les éléments qui permettent de contrôler ce virus de manière très, très, très, très précise, on a du mal à faire un vaccin. EBV, donc, c'est pour le virus d'Epstein-Barr. SEP sera pour la sclérose en plaques, je vous le dis comme ça, on se le redira dans l'heure, mais c'est pour aller plus vite. Vous voulez compléter, Arnaud Chêne ? Non. Alors, peut-être une dernière question, on y reviendra à la fin de l'émission quand on aura plus de données pour bien comprendre, mais aujourd'hui, comment est-ce que vous prenez, vous, l'un et l'autre, les annonces de Moderna, c'est-à-dire d'appliquer cette nouvelle technique de l'ARN messager pour lutter contre Epstein-Barr? C'est une nouvelle porte, c'est un nouvel outil qui pourrait faire des preuves là où les techniques classiques de vaccination n'ont pas donné beaucoup de résultats. Donc voilà, vous avez là un point très très important, c'est qu'il s'agit d'une technique de délivrance, hein, le vaccin à ARN. Donc ce qui est aussi important, c'est le choix des antigènes qui vont être utilisés pour développer une réponse immunitaire contre ce virus. Donc dans le cas du vaccin que Moderna est en train de développer, qui s'appelle mRNA 1189, c'est une combinaison de 5 ARN messagers différents qui codent pour 5 protéines du virus différentes, et chacune de ces 5 protéines est importante pour l'infection du virus, pour l'infection du virus de la cellule B. Donc le but de ce vaccin, s'il marche de manière parfaite, serait d'initier une immunité qu'on dit stérile, c'est-à-dire pour empêcher l'infection. Et si ce n'est pas le cas, au moins pour réduire la charge virale et la réactivation du virus. On reparlera exactement du cycle de vie de reproduction du virus, et vous verrez que c'est effectivement assez intéressant. Votre regard, Patrice Morand ? Oui, non, mais cette technique de l'ARN messager, elle est à la mode, et effectivement, elle est assez simple, et on voit bien que on essaye là aussi de provoquer des anticorps neutralisants contre les glycoprotéines du virus qui permettent la rentrée du virus dans les cellules. Les protéines de surface. Cibles. Hein. Voilà, exactement. Et donc, c'est les glycoprotéines de surface du virus dont on parle, c'est un peu l'équivalent du célèbre spike du SARS-CoV-2. Après, ce qui est un petit peu plus compliqué compliqué, c'est que ce virus rentre à la fois dans des lymphocytes B et dans des cellules épithéliales, et donc il faut arriver d'une part à avoir des anticorps neutralisants qui inhibent ces deux entrées-là. C'est ce dont nous allons parler tout au long de cette heure. Nous parlons donc de ce virus d'Epstein-Barr. Et vous allez voir qu'effectivement, d'un virus a priori bénin, ou en tout cas avec pas de maladie associée très très grave, eh bien on découvre petit à petit en ouvrant des portes qu'il pourrait y avoir tout de même derrière des associations avec des maladies plus préoccupantes. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc à 4h15 du virus d'Epstein-Barr en compagnie d'Arnaud Chen et de Patrice Morand. Patrice Morand, si on revient à la source, un herpès virus, cette grande famille des herpès virus, ils se caractérisent comment ? Quelle est leur particularité ? Alors, d'abord, ils se caractérisent parce qu'une fois qu'un individu est infecté par un de ces 8 herpès virus humains, il le reste toute sa vie. Et ça, c'est une des particularités importantes de ces herpès virus par rapport à d'autres virus comme la grippe, par exemple, ou qui disparaissent une fois l'infection terminée. Ça, c'est la première chose. Ce qui les différencie aussi, c'est leurs cellules cibles, c'est-à-dire que l'Epstein-Barr virus, lui, infecte des cellules épithéliales de l'oropharynx et des lymphocytes B, et il va persister toute la vie dans ces lymphocytes B, certaines sous-catégories de lymphocytes B. Les lymphocytes B, on le rappelle, sont des globules blancs qui sont importants pour la sécrétion des anticorps, des immunoglobulines, et on voit bien que une de ces pathologies associées à ce virus, c'est certains patients infectés, c'est qu'on va avoir une prolifération de ces lymphocytes B, ce qu'on appelle un lymphome ou un syndrome lymphoprolifératif, parce que in vitro, quand vous mettez ce virus sur des lymphocytes B, il les immortalise. Et heureusement, on a un système immunitaire qui fait que in vivo, cette immortalisation, ces lymphoproliférations sont contrôlées. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi que ces lymphoproliférations associées à l'EBV, même si c'est un peu compliqué, sont souvent plus fréquentes chez les sujets immunodéprimés, les transplantés, les patients VIH ou les immunodéficites congénitaux. Arnaud Chen, un mot pour compléter, alors peut-être pour dire la différence entre EBV, donc le virus d'Epstein-Barr, comment est-ce qu'elle se distingue des autres, comment cette souche-là se distingue des autres souches d'herpès virus? Bon, là, au niveau du génome, là, il y a bien sûr des similarités puisque ce sont des gros génomes, c'est des virus à ADN, faut le préciser. C'est des virus à ADN qui sont encapsidés pour la particule virale et qui ont une enveloppe. Et donc les protéines dont on parlait tout à l'heure, qui sont les candidats vaccinaux, sont des protéines qui sont à la surface de cette enveloppe qu'on essaye de cibler avec des anticorps. Donc le virus de BV a environ entre 80 et 100 gènes. Donc, ce qui est important, c'est peut-être de vous donner une idée par rapport à d'autres virus, comme le SARS-CoV-2, qui est le virus qui est responsable de la Covid, qui, lui, si ma mémoire est bonne, a 29 ou 30 gènes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de le comparer avec le virus du papillome humain, qui est un virus HPV. Mais qui n'est pas un herpès virus. Qui n'est pas un herpès virus, mais pour parler de la taille relative de ces génomes et de ces virus, c'est un génome qui est relativement petit pour HPV et qui code pour seulement 8 protéines. Mmh. Et donc c'est un virus qui, lui, sans être un virus de l'herpès, est responsable aussi, ou au moins associé à un cancer, qui est le cancer du col de l'utérus. Donc on voit ici qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de gènes viraux présents à l'intérieur d'une cellule pour faire des dégâts très importants chez l'hôte. Donc le nombre de gènes dans les herpès virus, c'est je crois que c'est 83, oui. Oui, entre 80 et 100. Et 100, oui. C'est un virus à ADN, donc ça veut dire, Arnaud Chen, que contrairement au SARS-CoV-2, il rentre dans le noyau de la cellule. Ça veut dire que, comme d'autres virus, son génome s'intègre à notre génome à nous, ou pas ? Non, c'est justement le contraire. C'est-à-dire que c'est un virus qui va entrer dans la cellule et qui va rejoindre le noyau et rester dans le noyau sous une forme d'épisome. Donc un épisome, c'est une forme circulaire de l'ADN du virus. Donc il y a un seul moment dans le cycle du virus où cet ADN devient linéaire, comme il est dans la capside, c'est lors de la réplication virale. Mais pendant toute la période de latence, le génome du virus va rester sous cette forme ronde d'épisome. C'est cette intégration du noyau cellulaire, Patrice Morand, qui explique les résurgences, les retours. C'est parce que, comme d'un seul coup, il intègre notre patrimoine génétique d'une manière ou d'une autre, même s'il n'est pas inscrit directement comme le VIH, par exemple, à l'intérieur de l'ADN des individus. Néanmoins, bien, du coup, il est là. Et donc, ben, quand il y a des mécaniques de transcription qui se font... Tout à fait. C'est une des caractéristiques majeures des herpès virus, c'est que quelque part, ils peuvent rester, on appelle ça latent, à l'intérieur de leur cellule cible. Et encore une fois... Pour l'Epstein-Barr virus, c'est à l'intérieur du lymphocyte B. Et puis quand le lymphocyte B, dans certaines circonstances, se transforme en plasmocyte, alors à ce moment-là, le BV, qui est latent, qui se multiplie pas, qui se réplique pas, va se répliquer et va faire des virions. Qui vont être excrétés par l'intermédiaire des cellules épithéliales, parce que là aussi, ce virus peut se multiplier dans les cellules épithéliales. Les cellules épithéliales, ce sont... De l'oropharynx, voilà, autour de... Les cellules qui recouvrent la surface de l'oropharynx. Effectivement, et ce qui fait que périodiquement, et probablement de manière très très fréquente, tous les patients infectés par le BV, en fait, excrètent une petite quantité de virus dans la salive et peuvent comme ça contaminer quelqu'un qui n'a jamais rencontré le BV. D'où la maladie du baiser d'ailleurs à l'adolescence, oui. Mais on y reviendra. Oui, Arnaud Chemin. Oui, donc j'aurais souhaité peut-être ici compléter ou ajouter une petite chose, une chose de manière un peu imagée. Il faut vraiment imaginer que le virus, une fois qu'il infecte une cellule, va prendre cette cellule en otage et va la contrôler. Donc il va exprimer de manière alternative et différemment en fonction du lieu où il se trouve dans le corps et du temps après son infection, ce qu'on appelle des programmes, c'est-à-dire différents gènes qui lui sont propres et qui vont exprimer différents sets de protéines qui vont avoir une fonction particulière à différents moments du développement et de la maturation des lymphocytes B. Donc il y a trois programmes différents et donc pour chaque programme il y a une fonction de ces protéines. Donc le premier programme va dire aux lymphocytes B d'infecter de se diviser et puis d'aller dans des structures où se trouvent d'autres lymphocytes pour que ce lymphocyte puisse faire une maturation. Donc si la maturation de ces lymphocytes dans ces structures-là, dans des conditions normales, n'est pas couronnée de succès, les lymphocytes vont mourir. Mais le virus va exécuter son propre programme, exprimer d'autres protéines qui lui sont propres pour donner un signal à la cellule en lui disant « Non, tout se passe bien, il n'est pas nécessaire de t'auto-détruire et tu peux passer dans l'autre compartiment qui est le compartiment B mémoire dans la circulation où là, il va éteindre littéralement toute l'expression de ces gènes et de ces protéines en regardant une seule pour pouvoir permettre de se répliquer quand les cellules B mémoire se divisent pour continuer à générer un pool mémoire. Donc c'est vraiment une caractéristique aussi très très importante. C'est vraiment cette manipulation et cette prise d'otage de la cellule où c'est le virus, une fois qu'il est, présent dans le noyau, prend le contrôle de la cellule. Il a été découvert quand ce virus d'Epstein-Barr? La découverte de l'Epstein-Barr virus, Epstein-Barr virus, c'est le nom des co-découvreurs. Il faut qu'on le précise parce que sur les 8 herpès virus, il y a que lui qui a le nom de ses co-découvreurs. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ils sont trois à avoir publié en 1964 le virus. Ici, c'était Monsieur Epstein, Madame Barr et Monsieur Hachong. Et puis finalement, le virus, il s'est appelé Epstein-Barr. Donc, il a été découvert en 1964 avec dans des circonstances un peu rocambolesques à partir de lignées de lymphome de Burkitt, donc de cancer qu'un médecin anglais avait donné à Monsieur Epstein, donc Monsieur Burkitt, qui avait constaté que les lymphomes de Burkitt étaient des cancers très fréquents chez des jeunes enfants africains et qui à un moment a donc donné des biopsies de ces lymphomes de Burkitt, et je passe les détails, et c'est l'équipe d'Epstein qui en microscopie électronique a pu démontrer qu'il y avait des particules herpès qu'on a appelé après Epstein-Barr virus, donc il y a à peu près 50 ans, même plus de 50 ans, en 1964. Arnaud Chanoy. Oui, je voulais juste ajouter ce qui est tout à fait exact. Ce qui est intéressant aussi, c'est de retourner un petit peu dans le temps et de voir ce que ce chirurgien britannique, Denis Burkitt, a fait en Afrique. Donc, il a été face à cette tumeur qui était une tumeur tout à fait... non caractérisé jusqu'à maintenant, et il a vu que cette tumeur avait une capacité de croissance qui était incroyable, avec une tumeur qui pouvait se développer jusqu'à 10-15 cm en 3 semaines. Et donc il a fait une analyse épidémiologique, une analyse pathologique de ces tumeurs qu'il voyait chez les enfants. Mais une caractéristique très très importante, c'est qu'il a regardé, il a remarqué qu'il y avait une saisonnalité dans l'apparition des tumeurs. Donc les tumeurs, il y a une saison des pluies en Ouganda, et les tumeurs, elles apparaissaient en incidence beaucoup plus fréquemment entre avril et octobre pendant la saison des pluies, que pendant les saisons sèches. Et donc, quand il a donné cette conférence en Angleterre où Epstein était présent dans l'audience, Epstein était un scientifique qui travaillait sur le virus du sarcome de Roux chez le poulet, qui est un virus responsable de la formation de tumeurs chez l'un poulet, a tout de suite fait une association et s'est dit donc, ou a formulé l'hypothèse qu'un vecteur arthropode qui était dépendant du climat pouvait être impliqué dans la propagation d'un aquagène viral. Bon, ça s'est avéré être faux par la suite, puisque c'est plus un parasite qui est responsable au moins en partie du cancer, mais c'était vraiment quelque chose de très très important, la rencontre de ces deux personnages. Et le lien du coup qui a été fait avec la saison des pluies, comment c'est expliqué ça? Donc c'est par rapport au paludisme. On peut en revenir après. Donc il y a vraiment, quand on regarde la carte de distribution du lymphome de Burkitt, et puis endémique et du paludisme, il y a un total overlap de ces deux cartes dans le monde. Donc il y a une relation très étroite entre le virus d'Epstein-Barr, Plasmodium falciparum, qui est l'agent responsable du paludisme, et la genèse du lymphome de Burkitt. Alors, si, à quel moment, parce que c'est intéressant de voir qu'on identifie ce virus d'Epstein-Barr donc sur une cellule tumorale, on va voir qu'il y a d'autres liens du virus d'Epstein-Barr avec d'autres formes de tumeurs. À partir de quel moment le lien est-il fait, Paul Morand, avec cette autre maladie qui est heureusement beaucoup moins grave et beaucoup plus commune, qu'est la mononucléose? Alors aussi, l'histoire est assez belle, c'est que on avait découvert ce virus dans des biopsies de lymphomes de Burkitt, et puis il y a une équipe américaine qui travaillait sur ces lymphomes de Burkitt, et quelque part, il y a une technicienne qui a fait en fait une mononucléose infectieuse. On savait ce que c'était qu'une mononucléose infectieuse, cette maladie qui donne de la fièvre, des angines, de la fatigue et une polyadénopathie, mais on savait pas que c'était lié à l'Epstein-Barr virus. Et en fait, c'est en démontrant que cette femme qui travaillait sur l'Epstein-Barr virus des lymphomes de Burkitt a fait une mononucléose infectieuse, a fait une séroconversion contre ce virus-là, a développé des anticorps, et c'est comme ça qu'on a pu mettre en évidence que ce virus était l'agent causal de la mononucléose infectieuse dans les années 1968, je crois, 4 ou 5 ans après la découverte du virus. Et alors, si on en revient justement à la symptomatologie, je le disais dans la présentation, on pense que plus de 90%, 95% des gens sont porteurs de ce virus d'Epstein-Barr, donc dans une écrasante majorité, ils le contractent ou nous le contractons lors de la petite enfance de manière quasi asymptomatique. Comment est-ce qu'on explique que le fait de contracter ce virus aussi jeune soit totalement asymptomatique et que finalement plus il arrive tard et bien plus on déclenche des maladies? Arnaud Chêne pour commencer. C'est des questions auxquelles il est très très difficile de répondre parce que par exemple dans le cas de... On ne connaît pas vraiment les mécanismes immunitaires qui sont mis en jeu lors de l'infection primaire. Parce que dans le cas, et là je parle sous le contrôle du professeur Morand, de la mononucléose infectieuse, l'infection primaire a normalement lieu 5 semaines avant que les symptômes apparaissent. Donc quand le patient arrive à l'hôpital, c'est un peu après la bataille au niveau système immunitaire pour l'infection primaire. Quand il est hospitalisé, parce qu'on quand pas il est hospitalisé, je dis hôpital, ça peut être très bien son médecin traitant, en effet. Donc c'est difficile de voir, mais il y a aussi une différence géographique dans le timing d'infection primaire pour le virus d'Epstein-Barr. Donc dans les pays qui ont un certain niveau de vie, comme on peut l'avoir en Europe, l'infection se fait plutôt lors de l'adolescence, et dans les pays à ressources limitées, l'infection se fait très très tôt dans la vie, et les enfants sont séroconvertis vers l'âge de 3 ans déjà. Et donc ça peut s'expliquer par différents facteurs, et l'un de ces facteurs est le fait que ce qui pourrait nous paraître ici très normal, comme avoir de la nourriture en pot pour les bébés, ne sont pas toujours des choses qui sont accessibles dans certains pays avec des ressources limitées. Donc les mamans ont tendance à prémâcher la nourriture. Et donc là, il y a une voie d'entrée, comme on l'a peut-être précisé, mais le virus se transmet par la salive. Donc là, il y a une voie d'entrée qui est parfaite pour le virus, des grandes quantités de salive qui arrivent très profond dans la gorge au niveau d'une nasopharynx. Alors pour répondre, à la question par rapport à pourquoi la mononucléose, donc il y a une hypothèse qui est actuellement visitée, donc elle reste encore à confirmer, mais c'est que lors de l'infection primaire, quand on est très très jeune, il y a une réponse de cellules T naïves qui se met en place. Donc c'est des cellules T naïves qui... D'autres globules blancs, mais qui vont vraiment se différencier pour attaquer spécifiquement les cellules infectées. Et donc avec l'âge, donc vers une quinzaine d'années, on a un système immunitaire qui est déjà beaucoup plus développé. Et ces cellules T, le répertoire de ces cellules T est spécifique spécifique à différents pathogènes aussi. Et on pense que c'est ces cellules-là, lors de l'infection d'un adolescent, qui vont essayer de combattre les cellules infectées par le virus, dans un système qu'on appelle de la cross-reconnaissance. Et si elles sont efficaces, elles sont moins que les cellules naïvement activées. Donc il y a moins d'efficacité pour contrôler le virus. Mais c'est une hypothèse. Patrice Morand. C'est vraiment très intéressant, c'est très caricatural chez le BV, cette différence de réaction immunitaire au niveau des cellules T entre des gens qui sont contaminés entre 10 et 20 ans et des gens qui sont contaminés après 20 ans. Après, c'est un peu une règle un petit peu générale, même si c'est un peu caricatural ce que je dis là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'infections virales qui sont aussi symptomatiques ou moins sévères quand les jeunes enfants sont infectés que quand on est infecté à l'âge adulte. La varicelle, par exemple, est un exemple. Et pour changer des herpès, la rougeole aussi. Par contre, ce qui est peut-être aussi intéressant aujourd'hui dans les pays, on va dire, développés, comme la France et comme d'autres pays européens, voire les États-Unis, c'est qu'on voit que l'âge de la première rencontre avec le virus est en train de se décaler en France comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on attrape le virus, on est contaminé par le virus plus tardivement qu'il y a une quinzaine d'années. Et ceci pourrait peut-être aboutir au fait que, comme on l'a vu, que quand on est infecté plus tardivement, entre 10 et 20 ans ou 10 et 30 ans, on fait plus souvent une mononucléose infectieuse symptomatique. Il n'est pas impossible, et ça a été déjà publié, qu'il y ait un nombre plus important de mononucléose infectieuse vues par des médecins généralistes, avec, quand on dit un nombre plus important de mononucléose infectieuse, comme il y a 1% des mononucléose infectieuses qui se compliquent, on pourrait aussi avoir, ça a été décrit par Pierre Tadevin, un infectiologue de Rennes, plus de mononucléose infectieuse qui nécessite une hospitalisation. Donc ça, c'est intéressant à surveiller, de savoir si ce décalage de la primo-infection dans les pays riches, on va dire, où il y a moins peut-être de promiscuité salivaire, si j'ose dire, fait qu'on va peut-être avoir plus de mononucléose infectieuse. Ça reste à confirmer, mais c'est une hypothèse intéressante. On va continuer à parler de ce virus d'Epstein-Barr, parce que la mononucléose, ça n'est pas encore très très grave. Vous allez voir que ce virus est lié à d'autres pathologies, notamment certaines tumeurs, et puis avec cette étude qui ouvre une porte, ou en tout cas qui pose un important point d'interrogation. Y a-t-il un lien entre Epstein-Barr et la sclérose en plaques? On en parle dans quelques secondes musicales. Toi et moi, d'Almanza à 16h35 sur France Culture. Nous parlons donc du virus d'Epstein-Barr. Nous en parlons avec Arnaud Chêne, qui est chargé de recherche INSERM dans l'unité de biologie intégrée du globule rouge à l'Université de Paris. Et Patrice Morand, médecin, virologue, professeur et doyen de la faculté de médecine Grenoble-Alpes. Patrice Morand, on le disait, hein, premier lien historique finalement entre ce lymphome de Burkitt et le virus Epstein-Barr. D'autres tumeurs, d'autres types de cancers ont été liés de manière absolument certaine, ou est-ce que à partir de là on commence à arriver dans des endroits où la corrélation n'est pas forcément causalité? Non, je crois que là, il y a vraiment l'Epstein-Barr virus est reconnu comme l'agent causal de certains cancers en dehors du lymphome du Burkitt, en particulier donc un cancer qui touche des cellules épithéliales de l'oropharynx, un petit peu qu'on appelle le cancer du cavum ou le cancer du nasopharynx, qui est un cancer qui est très très fréquent dans certaines parties de Chine et un petit peu moins dans le Maghreb et un peu moins fréquent chez nous. Après, il est aussi très clairement impliqué cette lymphoprolifération des lymphocytes B, par exemple, chez les transplantés qui peuvent, du fait de l'immunodépression qu'on applique à ces patients pour éviter qu'ils fassent un rejet, ils peuvent vraiment faire des lymphomes qui sont associés à l'EBV. Voilà. En plus, il y a aussi une implication de l'EBV dans certaines formes de lymphome de Hodgkin, qui est un lymphome assez fréquent, qui heureusement guérit bien. Et donc, très clairement, on pense, ça a été réévalué actuellement, mais on pense que le BV est responsable d'environ 200 à 300 000 cancers par an dans le monde, sur l'ensemble de ces cancers-là, et à peu près 150 ou 150 000 décès. Donc c'est quelque chose qui est avéré, et là aussi c'est un argument supplémentaire avec l'implication de l'EBV, on le verra tout à l'heure, dans certaines maladies auto-immunes, pour relancer la recherche sur un vaccin anti-EBV. Mais alors Arnaud Chêne, comment est-ce qu'on explique finalement le fait que l'EBV puisse, donc l'EBV c'est le virus d'Epstein-Barr, l'Epstein-Barr virus, puisse déclencher des lymphomes ou des tumeurs chez certains patients? Si nous sommes toutes et tous à 80% ou 90-95% porteuses ou porteurs du virus, pourquoi est-ce que chez un faible nombre de personnes, hein, parce que si on parle de 200 000 cancers à l'échelle mondiale par an, on est quand même sur des occurrences et une épidémiologie assez basse, qu'est-ce qui se passe chez ces patients? C'est une immunodépression? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est une mauvaise combinaison génétique? Est-ce qu'on a des indices? Je pense que ce qui est important à dire ici, c'est que c'est multifactoriel. C'est-à-dire, est-ce que, c'est une question ouverte, est-ce que hormis ce qui se passe in vitro, est-ce que le virus d'Epstein-Barr est un virus oncogène intrinsèquement? Et ça, ce n'est pas sûr. Il faut quand même une addition de facteurs supplémentaires pour pouvoir avoir une tumorigénèse. Donc, l'exemple qu'on peut prendre, c'est le lymphome de Burkitt. Donc, l'association, on en a parlé tout à l'heure, entre le lymphome de Burkitt et la malaria, enfin le paludisme. Et le virus d'Epstein-Barr date d'il y a maintenant 50 ans. Et ça fait uniquement 5 ans qu'on commence à avoir juste les premiers éléments de compréhension du savoir pourquoi cette co-infection génère un lymphome. Donc il faut voir les choses vraiment avec un côté multifactoriel où, par exemple, et ça c'est des études qui ont été faites déjà il y a une quinzaine d'années, où on voit que l'infection par Plasmodium falciparum, l'agent responsable de la malaria, réactive le virus, donc va augmenter la charge virale et le nombre de cellules B infectées par le virus. Et que là, des études très très importantes qui ont été menées il y a 5 ans montraient que Plasmodium falciparum était capable, dans des centres germinatifs, donc c'est des structures où il y a des lymphocytes qui sont en maturation et qui font des mutations génétiques pour pouvoir affiner leurs anticorps. Et donc les cellules B sont les seules cellules somatiques, donc non sexuelles, qui sont capables de réarranger leur ADN et leur génome dans le corps. Et donc ce réarrangement génétique est faite par une protéine qui s'appelle AID pour l'Activation Induced Cytidine Deaminase. Et il a été montré que des antigènes de Plasmodium falciparum étaient capables d'upréguler, donc d'augmenter l'expression de cette protéine chez les lymphocytes B. Et donc quand cette protéine est surexprimée, elle fait ce qu'on appelle du off-target, c'est-à-dire qu'elle va faire des modifications dans le génome qui ne sont pas bénéfiques pour, qui ne sont pas voulues et bénéfiques pour la cellule. Donc quand on combine les deux, le nombre de cellules infectées par EBV qui ont la capacité de ne pas rentrer dans un programme suicidaire quand il y a un problème, comme on l'a discuté tout à l'heure. Le virus donne l'ordre de continuer dans le cycle. Prolonge la durée d'existence. Et si on combine ces deux choses-là, un système immunitaire lors de l'infection palustre qui est complètement dérégulé parce que vraiment très très concentré sur la lutte et l'inflammation de la malaria, il peut y avoir une cellule qui s'échappe Et une seule cellule va être suffisante pour générer un lymphome de Burkitt, qui est un lymphome monoclonal. Monoclonal, oui, c'est important de le dire, ça fait partie des caractéristiques de ces lymphomes de Burkitt qui partent d'une seule cellule et toutes les cellules cancéreuses viennent de la même cellule initiale. Vous vouliez rajouter quelque chose, Patrice Roman ? Je me suis un petit peu emballé tout à l'heure et heureusement Arnaud a rectifié. Je pense que l'EBV, et on parle d'EBV comme associé à des cancers, ça veut dire qu'en fait dans la cellule tumorale de lymphome du Burkitt ou du carcinome nasopharynx, il y a la présence de l'EBV et que probablement il est là avant la transformation maligne de la cellule. Mais Arnaud l'a bien dit, c'est un agent donc qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. Hein. On voit bien que dans le lymphome de Burkitt, il y a une association de malfaiteurs qui se fait entre le paludisme et puis l'EBV. Dans le carcinome du nasopharynx, probablement il y a des habitudes alimentaires en Chine du Sud qui font que là aussi ça devient multifactoriel. À chaque fois aussi, il peut y avoir un background génétique qui est un petit peu particulier. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que effectivement, le BV est associé à des cancers et ça, c'est indubitable. Après, un cancer, c'est toujours un événement multifactoriel et il y a des cofacteurs qui sont importants dans le développement de ces cancers. Un mot maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, sur cette publication dans la revue Science, donc en date du 13 janvier dernier, qui établit une corrélation, et c'est bien important de le préciser, une corrélation entre l'infection par EBV et la sclérose en plaques. Toute personne qui est infectée par l'EBV aurait 32 fois plus de chances de développer une sclérose en plaques. Mais alors, même question, si on est à 95% d'être infecté par l'EBV, est-ce que ça veut dire que 95% de la population a 32 fois plus de chances de développer une sclérose en plaques? C'est pas du tout comme ça qu'il faut calculer, Arnaud Chen. Non, je ne pense pas que ce soit comme ça. J'espère que ce ne soit pas comme ça qu'il faut calculer. Il faut voir aussi l'incidence de la sclérose en plaques. Donc, si on regarde, par exemple, cette étude qui a été publiée, là, on voit que cette étude a vraiment une puissance statistique très importante. Hein. C'est une étude qui est assez incroyable parce que c'est quand même 10 millions d'adultes qui ont été suivis sur une période de 20 ans et une étude longitudinale qui a rassemblé au total 69 millions d'échantillons qui ont été analysés. Et donc, on voit que parmi ces 10 millions d'adultes, 955, donc à peu près 1000, ont développé des scléroses en plaques, ce qui nous donne un peu une idée de l'incidence de la sclérose en plaques, qui, si le calcul est vite fait rapide, c'est 1 sur 10 000. Donc, après, oui, il y a sans doute aussi d'autres cofacteurs qui peuvent rentrer en jeu. Mais le mois de janvier a été particulièrement riche pour l'association entre l'Epstein-Barr virus et la sclérose en plaques, parce qu'il y a un autre papier qui est sorti le même mois dans la revue Nature. Donc le papier de Science montre vraiment cette corrélation et de manière très très convaincante entre l'Epstein-Barr virus et puis la sclérose en plaques. Mais le papier de Tobias Lantz et ses collaborateurs dans Nature montre un côté mécanistique qui n'est pas présent dans le premier papier. Donc C'est-à-dire que là, on a une corrélation. Dans le papier de Nature, on a une mécanistique, c'est-à-dire une démonstration d'un mécanisme possible pouvant expliquer pourquoi le virus génère la sclérose en plaques, ou au moins y participe. Donc, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez parler de ce papier, c'est de la mimicrie moléculaire. Donc, la réplication ou de la... Du mimétisme. Du mimétisme, pardon, moléculaire, où le virus aurait des protéines qui ont des déterminants structuraux qui sont assez similaires aux protéines humaines. Donc, quand une réponse immunitaire est générée contre ces protéines-là, les anticorps sont un peu confus et capables de aussi reconnaître les protéines humaines et de les attaquer. Donc, ça, c'est vraiment un élément mécanistique très, très important qui a été montré, qui peut expliquer pourquoi le virus entraîne une réponse immunitaire dirigée contre l'hôte. Patrice Morin, votre point de vue sur ces deux études? Oui, c'est quand même deux études particulièrement importantes hein, qui quand même confortent, on va dire, cette association entre le virus d'Epstein-Barr et la sclérose en plaques. C'est quelque chose qu'on soupçonnait depuis des années. Hein. Il y avait déjà pas mal de travaux qui montraient que des mononucléoses infectieuses, le fait de faire une mononucléose infectieuse augmentait le risque éventuellement de faire une sclérose en plaques. pratique que des patients qui avaient une sclérose en plaques avaient des anticorps contre le BV qui étaient plus élevés que d'une population contrôle, et puis même des essais thérapeutiques où des injections de lymphocytes T capables de détruire les lymphocytes B infectés par le BV entraînaient des améliorations des poussées de cèpes. Donc c'est quelque chose qui est soupçonné depuis très longtemps, mais ces deux études-là sont très importantes parce que, quelque part, elles confortent cette association. Après, effectivement, on a encore... Alors, il n'y a pas de CEP sans être séropositif pour le bébé, mais il y a 95% de la population qui est séropositive pour le bébé qui n'a pas de CEP. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il y a d'autres virus qui sont... Il y a des équipes lyonnaises qui travaillent un peu là-dessus sur un autre virus herpès qui s'appelle l'HHV6, l'herpès virus humain de type 6, qui a été impliqué, qui est aussi ubiquitaire, qui a été impliqué éventuellement dans la CEP. Il y a aussi des interactions peut-être entre... ces herpès virus et puis des rétrovirus endogènes qui sont assez intéressantes aussi à étudier. Donc, on n'a pas encore tout compris sur la sclérose en plaques et le rôle de ces virus ubiquitaires ou de ces rétrovirus endogènes. Mais en tout cas, ce sont des pistes qui sont très très importantes pour éventuellement de nouvelles pistes thérapeutiques. Et bien, puisque on parle de thérapeutique, Patrice Morand, justement, on l'a dit, Moderna a lancé des essais cliniques pour des vaccins anti-EBV, mais d'autres études sont en cours, notamment une que vous avez co-signé, co-dirigé Arnaud Chêne, qui consiste à utiliser le BV pour rediriger les anticorps vers d'autres maladies. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre reportage du jour. Oui, et j'ai rencontré Jean-Luc Théillot, qui est directeur de recherche émérite à l'INSERM, rédacteur en chef de la revue de l'INSERM Médecine Science, et co-auteur de cette étude qui m'a reçu pour parler de ses travaux. Inspiré de la stratégie utilisée dans les traitements à base d'anticorps monoclonaux, traitement, on le rappelle, complexe et très coûteux, ses travaux de recherche tentent de développer de nouvelles approches thérapeutique contre certains types de cancers en ayant recours à des anticorps contre le virus d'Epstein-Barr, le tout en mobilisant des protéines dites de fusion bimodulaire. Mais que sont ces protéines? Réponse tout de suite avec Jean-Luc Théillot. C'est une protéine qui est constituée de deux parties. Une partie qui ressemblerait à un anticorps, en ce sens qu'elle donne la spécificité à la molécule, la spécificité de ciblage, c'est-à-dire que cette molécule arrive sur la bonne cellule qu'on veut cibler, et une autre partie qui, elle, va détourner, en fait, des anticorps que nous avons quasiment tous naturellement, si je puis dire, qui sont des anticorps contre ce fameux virus qu'on appelle le virus d'Epstein-Barr. Donc, l'idée, c'est d'examiner si ce type de molécule pouvait se substituer à des anticorps qui sont beaucoup utilisés non seulement dans les maladies infectieuses, comme on l'a vu récemment, mais beaucoup en fait en cancérologie. Le défi, c'était de montrer qu'une molécule qui peut être beaucoup plus simple du point de vue de sa structure qu'un anticorps, qui est une molécule très compliquée, qui a deux chaînes polypeptidiques, c'est très compliqué un anticorps. Donc c'était de simplifier cette molécule, cette approche, en mettant de façon un peu différente l'utilisation d'anticorps. L'idée, c'était de recouvrir en fait les cellules cancéreuses d'une molécule qui faisait semblant d'être un virus. Et donc, comme nous avons tous des anticorps contre ce virus, l'idée, c'était de recruter les anticorps, non pas évidemment contre le virus, mais contre ces cellules tumorales recouvertes d'une molécule faisant semblant d'être un virus. Du point de vue du protocole expérimental, quel type de modèle vous avez utilisé et vers quel type de cancer vous avez ciblé ces protéines? Alors le cancer que nous avons ciblé, c'est un cancer qu'on appelle les lymphomes. Donc c'est, comme vous le savez, il n'y a pas le cancer, mais il y a les cancers. Donc c'est un cancer des globules blancs, d'un certain type de globules blancs, les lymphocytes B justement, et qui est déjà fait l'objet d'un certain nombre de ciblages par des anticorps monoclonaux depuis assez longtemps. Un des premiers anticorps monoclonaux sur le marché est un anticorps qui est dirigé contre ces lymphocytes B qui se transforment en cellules cancéreuses qu'on appelle les lymphomes. Donc c'était le modèle qu'on a utilisé. Et nous-mêmes, nous avions un modèle d'étude justement de ciblage par des anticorps monoclonaux de cellules cancéreuses de type lymphome. Vous avez fait des tests donc chez des animaux, chez des souris, je crois. Quels résultats vous avez obtenus? Alors, ce qui était intéressant, c'est que il y avait le résultat majeur, c'est que nous avons réussi à bloquer la croissance tumorale et chez un certain nombre de ces souris, arriver à faire régresser la tumeur et à faire que ces souris aient une survie à long terme. C'était pas gagné d'avance parce que il faut savoir que les souris, contrairement aux hommes, qui ont donc quasiment à 95% toute la population humaine est infectée par ce virus, le virus d'Epstein-Barr, et a donc des anticorps ad vitam aeternam dans le sang qui circule contre ce virus. Le problème auquel nous avons été confrontés, c'est que les souris ne sont pas infectées par le virus d'Epstein-Barr. Donc il a fallu qu'on organise une petite astuce qui a consisté à générer des anticorps contre le virus d'Epstein-Barr dans ces souris pour démontrer qu'effectivement, en ciblant des cellules cancéreuses qu'on avait injectées dans ces souris, ces anticorps qu'on avait artificiellement générés dans ces souris en les immunisant avec le virus d'Epstein-Barr, étaient capables d'être recrutés et de bloquer la croissance tumorale. Donc c'est un concept à deux coups, si je puis dire. D'une part, on a une molécule que nous avons fabriquée. D'autre part, l'idée, c'est vraiment de recruter tous les anticorps qu'un patient, un individu, possède contre le virus d'Epstein-Barr. Ces résultats sont très prometteurs. On parle de traitements donc en oncologie, en cancérologie. Est-ce que ça ouvre d'autres pistes pour d'autres types de maladies qui sont traitées avec des anticorps monoclonaux, traitement qui, rappelons-le, est complexe, coûteux? Oui. Alors tout à fait, puisque toutes les maladies, et il n'y a pas que les maladies cancéreuses, qui demandent à éradiquer des cellules, par exemple je pense à des maladies auto-immunes, où l'auto-immunité est liée au fait qu'il y a par exemple des lymphocytes T ou des lymphocytes B qui produisent des mécanismes qui font que ça produit une activité contre des cellules du soir, ce qu'on appelle nos propres cellules, donc c'est la maladie auto-immune. On peut avoir des situations où on veut se débarrasser de ces lymphocytes B, par exemple la sclérose en plaques. C'est une maladie où maintenant il y a des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre des lymphocytes B dont on pense qu'ils sont importants dans l'étiologie de la sclérose en plaques et ces anticorps visent à se débarrasser de ces lymphocytes B malfaisants auto-immuns qui ne sont pas donc des lymphocytes B cancéreux. Vous avez pu prouver donc l'efficacité de cette technologie-là chez l'animal. Est-ce qu'il y a des tests chez l'homme et chez l'humain qui sont envisagés dans un futur proche? Si oui, voilà, quelles perspectives ça ouvre dans vos recherches? Alors, les perspectives, elles sont de deux ordres. D'abord, il y a quand même un peu de travail encore à faire en amont, notamment savoir si les pharmacocinétiques et les pharmacodynamiques et l'accessibilité de ces molécules dans un certain nombre de modèles fonctionnent correctement. Et effectivement, l'étape d'après, c'est arriver à convaincre, et ça, c'est pas ni l'INSERM, ni le CNRS, ni l'université qui va faire ça, à convaincre un industriel de rentrer dans un processus de développement qui est toujours long, hein, ça prend toujours de nombreuses années, et qui viserait justement à valider dans ce qu'on appelle un essai de phase 1 chez l'homme, chez des patients contre des maladies cancéreuses notamment, cette protéine hybride est capable de fonctionner, de recruter les anticorps de ce patient qu'il a par ailleurs développé contre le virus d'Epstein-Barr et que ça permet effectivement d'avoir des résultats positifs sans avoir d'effets secondaires importants, bien entendu. Voilà le résumé de l'étude que vous avez co-dirigé, Arnaud Chêne. Peut-être un mot, vous pouvez peut-être préciser un peu ce qui vient d'être dit ou les visées thérapeutiques finales de ces résultats. Oui, juste pour être clair sur le contexte, parce qu'on a fait le saut du vaccin contre EBV avec cette étude-là, donc là les buts sont diamétralement opposés. Donc dans notre étude, on ne cherche pas à éliminer le virus, on cherche à l'utiliser à notre avantage. Donc tout à l'heure, on parlait du virus qui manipule les cellules du système humain. humain. Donc là, c'est l'inverse. On essaye de manipuler le virus, pas tant le virus, mais plutôt la réponse immunitaire qui est générée contre le virus à notre avantage. Donc oui, là, Jean-Luc a très bien expliqué que c'est des cellules, des molécules que nous avons créées, qui sont bimodulaires, donc ils vont pouvoir, en fonction de cette unité de liaison qu'on va attacher à la particule virale, cibler n'importe quelle cible potentielle. Donc il faut bien sûr le marqueur à la surface, le marqueur spécifique à la surface de cette cible, et ensuite recruter tout le système immunitaire pour pouvoir détruire cette cible. Donc les applications, elles sont multiples. L'avantage, et c'est vraiment comme ça aussi qu'a été imaginée cette technologie, c'est que cette protéines de fusion bimodulaire sont designées de manière à être facilement produites oui. Dans des systèmes bactériens. Donc pour réduire énormément les coûts, puisque ce système avait été à l'origine développé pour lutter contre le paludisme. Donc on cherchait vraiment un système où les coûts de production étaient les moins élevés possibles. On a aussi la possibilité d'utiliser des unités de liaison qui sont autres que des anticorps, mais simplement des fragments d'anticorps et qui peuvent avoir plein d'avantages, comme la stabilité et la capacité à aller aussi chercher des épitopes sur des antigènes qui ne sont pas accessibles pour des anticorps conventionnels. Patrice Morand, un mot sur ces recherches? Non, c'est passionnant. Hein. Et en fait, ça ouvre un autre champ dont a parlé Arnaud, c'est-à-dire que les virus ne sont pas toujours nos ennemis. En ce moment, on en parle depuis 2 ans, mais on peut utiliser les virus éventuellement pour la réponse immunitaire antivirale pour traiter des maladies. Et donc ça, c'est passionnant. Il y avait avant, mais c'est un petit peu moins développé, c'est sans doute un peu plus difficile, mais ce concept de virus dit oncolytique, c'est-à-dire qu'on cherchait à mettre des virus capables de... Un virus, ça lyse une cellule, à essayer de faire que certains virus aillent infecter des cellules cancéreuses et les détruisent spécifiquement. Donc c'est une voie de recherche qui a déjà eu des essais chez l'homme, etc., etc. Mais bon, je suis pas spécialiste de ça, bien mais sûr. C'était très compliqué de faire entrer les virus dans les bonnes cellules. Là, avec le mécanisme développé par l'équipe d'Arnaud, on a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. Mais c'est très intéressant de savoir que les virus peuvent être aussi utilisés comme thérapeutique. Bien sûr, bon, on peut parler des bactériophages, des adénovirus, enfin, il y a plein de catégories qui sont effectivement passionnantes. Un mot de conclusion rapidement, si on revient à la stratégie vaccinale, comment est-ce qu'on explique la volonté de vacciner contre ces EBV alors que 95% de la population sont déjà infectés et donc possèdent déjà des anticorps? Finalement, à quoi servirait un vaccin si un jour vaccin il y a? Pour conclure en quelques mots, Patrice Morand. En quelques mots, c'est difficile, mais bon, si je vous ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir un petit peu plus de mononucléose infectieuse dans les pays développés, on sait que quand même il y a 1% de ces mononucléoses infectieuses qui ont des complications aiguës qui peuvent être embêtantes. Il y a 10 ou 15% des gens qui ont eu une mononucléose infectieuse qui reste très longtemps fatiguée, un petit peu, c'est le même tableau des Covid longs dont on parle beaucoup. Et puis vous avez des lymphomes du Burkitt endémiques où beaucoup d'enfants, ça reste un cancer qui est très fréquent en Afrique. Vous avez les cancers du cavum qui est très fréquent dans certains pays. Donc, si on vaccine les gens suffisamment tôt, on peut peut-être estimer, ça va pas être facile à prouver, hein, mais on a mis presque 20 ans pour prouver que le vaccin contre l'hépatite B diminuait les cancers du foie. D'accord? Mais on peut peut-être espérer qu'effectivement on ait une diminution de l'incidence de ces maladies associées à l'EBV qui sont pas toujours bénignes. Arnaud Chêne, pour conclure. Oui, en effet, je pense que ça ne serait pas négligeable, mais ce qu'on peut aussi imaginer, c'est cibler des populations cibles. Quand on pense au lymphome du Burkitt, par exemple, qui touche des enfants qui habitent en Afrique subsaharienne, il pourrait être une population cible à protéger contre le virus d'Epstein-Barr, qui est un cofacteur dans la genèse du lymphome, alors qu'un enfant qui est né en France n'a peut-être pas, n'a d'ailleurs même pas ce risque de développer ce lymphome. Donc le côté ciblage d'une population adéquate peut être aussi quelque chose qui doit être pris en compte. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Arnaud Chen, merci Patrice Morand d'être venu nous parler si bien du virus d'Epstein-Barr, une émission que vous pouvez retrouver évidemment, comme chaque jour, sur le site franceculture.fr. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbor, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Noémie Guédecin, Vulfranc, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, et ce, normalement, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.